nuit. Bordel, bordel, bordel, bordel, bordel, bordel, toute la nuit. Je viens du sud brûlant, sud puant, sud bruyant, sud chaud bouillant, sud t'es dans le sud, les gens sud dans ma zone de turbulence, sud tellement sale que tu t'étales ou que tu repars en ambulance, sur instrumental tellement brutal qu'on tue la concurrence. M'amène Billy Bang Bang, dis-leur qu'on contrôle ce jeu. N'essaye même pas de le faire, car le sud le fait mieux. Car le sud est trop ténueux, trop sévère, trop hargneux. N'essaie même pas de me faire taire, n'essaie pas de me sucer la queue. Ici c'est du nique tout, ici tout est plus chaud. Nous on joue comme Zizou, demande à Tommy Ouzo. Elle, elle a le style, elle a le boulet, elle en a rien à battre. Elle veut pas le cure-dent, elle veut la battre, elle veut du ratatatatata. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. Bordel bordel bordel bordel bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. Bordel bordel bordel bordel bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel bordel non-stop, toute la nuit man, jusqu'au morning. Dog, Joe, Tminic, Tminic, Euro, Dollar, Livre, Sterling. Comme ta Bretling, range ton bling bling, j'débarque speed à la Big Pimp. Style de vermin, monte à la berline, mais suce-moi comme Bill Clinton. Tu testes ma dream team, c'est des Boeing dans ton building. J'suis dirty, pas clean clean, j'suis l'extasy dans ton chin chin. J'touche ni coco ni shit, cherche les chèques à 6 chiffres. Le business c'est une trop grosse chatte pour ton petit chiffre. Elle veut du gros, elle veut des bulles dans son verre. Elle veut pas de tes mythos, ni tes pubs mensongères. Elle veut pas de pistolet à plomb, elle veut du 9mm. Elle veut du, elle veut du, elle veut du ham ham ham. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. Bordel bordel bordel bordel bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. Bordel bordel bordel bordel bordel bordel toute la nuit. J'fais partie de ceux qui mordent, mec, pas de ceux qui aboient. J'suis là pour niquer le bénéf, baiser les flics, violer la loi. J'ai le son pour te mettre KO comme un crochet dans le foie. Le son qui te finit au couteau et qui va t'enterrer dans le bois. Dès que je débarque, c'est le drame, la foule s'écarte. Et si je te parle de 100 grammes, c'est pas du shit, c'est du C4. Je suis le fruit de cette époque où la coque se change en crack, où les vendeurs deviennent des grossistes, où les putes se changent en Mac. Pendant que je claque tout mon cash dans des tables de jeu, dans des sables ou dans des chats ou dans des sacs de bœufs. Je suis ce sale morveux qui mène sa petite vie dingue. Ça fait clic clic bing. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. Bordel bordel bordel bordel bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, bordel bordel toute la nuit. J'suis le bordel toute la nuit, j'suis le bordel toute la nuit. Bordel bordel bordel bordel bordel bordel toute la nuit.